Daniel, qu'est-ce qui ferait qu'un couple serait en harmonie? Si on parle de couple, on parle de règlement de compte. Et ce qui va donner de l'harmonie, c'est que les comptes sont réglés. En d'autres termes, on se rend compte pour régler un karma. Il y a une dimension de l'autre qui nous échappe. Et nous, on possède ou on dispose d'une mise en vibration ou d'un canal ou d'une façon d'être qui complète également des aspects psychiques et psychologiques, voire même organisationnels, matériels, qui sont capables de combler des carences chez l'autre. Ça, évidemment, ces différences-là, ça emmène les deux individus à s'attirer parce qu'ils ont un besoin mutuel de l'autre. C'est un besoin de survie, c'est un besoin de structure personnelle au niveau matériel et de structure psychologique pour les aspects qui ont été en carence, qui ont été manquants au cours d'une vie et qui, dans la vie familiale, souvent, ont pas été donnés par le père ou la mère. Et ça demande, évidemment, que l'échange à l'interne, donc dans l'intimité, soit apte avec le temps à s'ajuster suffisamment pour combler une dimension chez l'aide qui vise toujours à renforcer son identité et qui passe par un processus d'individualisation. Donc, c'est comme si je vous disais, en gros, que le couple, ça précède l'individualité et c'est un test pour l'identité. Donc, l'harmonie, c'est quand deux individus ont de l'identité après un très long processus d'expérience et d'expérimentation mutuelle d'un par rapport à l'autre, des ressources de l'autre, des ressources personnelles. Et l'harmonie vient après. C'est une conséquence. C'est pas quelque chose qui, on rencontre l'autre puis c'est harmonieux. Bon, c'est sûr qu'il y a des forces subtiles dans l'invisible qui, à cause du fait qu'on est lié karmiquement, donc on est lié occultement un par rapport à l'autre, on a un minimum de conventions puis d'attentes qui sont répondues. Parce qu'il faut effectivement, pour avoir un minimum d'attraction vers l'autre, sentir qu'il y a une différence qu'on cherche. On a besoin chez l'autre de quelque chose qu'on n'a pas. Et l'autre, dans la mesure qu'il est associatif, donc il présente sa ressource comme étant en disposition, parce qu'il voit en vous une ressource que lui aussi va avoir, ou elle aussi va avoir, ben là, les deux individus font ni plus ni moins qu'un échange. Dans cet échange-là, ben, il essaie de savoir s'il y a un respect mutuel. En général, non, parce qu'il y en a toujours un qui va chercher d'une façon subtile ou indirecte à avoir une autorité sur les ressources de l'autre, donc à dominer. Et l'autre qui va, soit dans son processus de victime, tirer avantage à ce que l'autre la domine parce qu'il va le prendre en charge. Et anciennement, on pouvait dire l'homme domine puis il est obligé de prendre en charge. Mais aujourd'hui, on a des femmes également dans des couples qui dominent et qui doivent aussi prendre en charge l'homme sur un plan affectif, sur un plan émotionnel. C'est pour ça qu'on parle souvent des hommes roses ou ces éléments-là. Bon, ben, tant qu'on a ces éléments de divergence-là, de différenciation-là, on peut pas parler d'harmonie, on peut parler de complémentarité, parce que les gens vont confondre harmonie puis complémentarité. Mais vous êtes en harmonie quand vous manquez pas de l'autre. Quand vous avez pas peur de perdre l'autre, vous êtes en harmonie. Mais si vous avez une crainte de perdre l'autre, ben, son absence, ça devient une zone d'inharmonie, de déséquilibre, une crainte de perdre qui peut s'accentuer énormément et qui crée un réel déséquilibre quand l'autre part. D'ailleurs, les gens, souvent dans les divorces, sont complètement démontés, ont de la misère à travailler, ont de la misère à fonctionner. Fait qu'on peut pas dire que ces gens-là étaient harmonieux, on peut dire que ces gens-là étaient complémentaires. Alors, si je comprends bien, si tu rencontres quelqu'un, tu as quelque chose à vivre avec cette personne-là. Est-ce que c'est ça? Je pense que tous les gens qu'on rencontre dans notre vie sont là pour nous donner une réplique. Moi, j'appelle ça une sorte de bureau de poste. On a des facteurs, des gens qu'on rencontre, qui nous livrent un message. Et on lit le message. Il y a des lettres qui sont plus longues. Il y a des gens qui nous postent des livres. C'est plus une lettre, là, c'est un livre complet. C'est pour ça qu'on passe plus de temps avec ces gens-là. Il faut aller un petit peu plus en profondeur, parce que la nature du message demande qu'on aille toucher toutes nos insécurités. Vous savez, c'est pas nécessaire de savoir qu'est-ce que quelqu'un va nous faire vivre. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement, il faut pas savoir ce que l'autre va nous faire vivre. Parce que ça casserait la spontanéité autant dans la souffrance que dans l'extase. Il faut absolument que l'individu ait une forme de surprise. Surtout que les gens, en général, pensent qu'ils ont un libre arbitre et que dans cette impression de libre arbitre, ils ont l'impression de faire un choix. Alors que vous faites simplement les choix de vos ressources et les choix de vos carences. Ce qui vous manque dans la vie, ça vous donne pas le choix. Vous êtes obligé d'aller le chercher, c'est un besoin. Des fois, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans avant d'aller chercher ou combler la ressource qui vous manque. Fait qu'on n'a pas le choix. Puis la ressource, elle, c'est ce qu'on a à mettre en échange avec les autres. Parce que si on n'a pas cette ressource-là, les gens ne nous regardent pas. C'est là qu'on vit du rejet, c'est là qu'on vit cette sensation d'être abandonné. Parce qu'il nous manque une ressource que souvent, il faut aller chercher chez quelqu'un. Dans une quête, dans un dialogue, dans une expérience, dans un milieu de travail. Je dis souvent aux gens, les gens qui vous font vivre des expériences extrêmement difficiles, ils vous apportent beaucoup si vous réussissez à passer à travers l'expérience. C'est pas juste les gens qui vous donnent la vie facile qui vous apprennent quelque chose. Il y a les gens qui nous apprennent beaucoup en nous mettant beaucoup de résistance. Mais qu'est-ce qui ferait que, Daniel, quelqu'un resterait 10 ans avec quelqu'un par rapport à une autre personne qui ont eu à peu près 5 ou 7 partenaires, là, tu sais, en dedans de 5 ans. Qu'est-ce qui fait que un couple peut rester 10 ans ou, je dis 10 ans parce que dans le temps, c'était 25 ans, puis maintenant, il endurait des choses que maintenant, il n'endurerait plus. Vous l'avez dit, endurait. C'est ça. Les gens n'endurent plus, pourquoi? Parce qu'ils comprennent plus vite. Oui. C'est ça. Mais pour, OK, non, je parle de la différence entre quelqu'un, mettons, qui est, tu sais, qu'on dit, il a trouvé son âme sœur. Dans le sens qu'ils ont l'air d'être, tu sais, ça fait longtemps, puis que les deux, il y a de l'écoute, et puis... Un âme sœur, c'est un être avec lequel on vit de l'expérience d'âme et qui, éventuellement, passe à l'alliance de l'esprit. Mais tant que vous êtes au niveau de l'expérience de l'âme, vous allez vivre de l'âme sœur au niveau de sensations, au niveau de besoins essentiels qui touchent la survie, mais... C'est dans tous les problèmes que la survie va créer. C'est tout dans la perte progressive des sensations que l'autre nous apporte qui va faire qu'il va y avoir une peur de perdre à vie et qu'on lâche pas, dans le sens qu'on est capable de résister à la relation. On maintient le dialogue et on passe toute l'expérience d'âme, on la passe au mental. Au mental, ça veut dire qu'on est capable de parler de tout ce qu'on vit et aussi de trouver à tout problème une solution. Deux êtres qui sont dans le mental, deux êtres qui sont en alliance d'esprit, n'ont jamais peur de se perdre et sont continuellement capables de renouveler et recycler leur couple par la communication. Alors, ça peut être des couples ensemble, pas nécessairement, parce que j'ai vu ça souvent, des couples qui se sont séparés, puis là, ils vivaient une relation d'esprit. Alors, j'ai pas vu ça souvent, des couples qui étaient ensemble, qui vivaient une relation d'esprit. Ça, est-ce que je me trompe? Ça dépend. Ben là, écoutez, j'ai peut-être pas fait le tour de la planète non plus, là. Il faut avoir un œil particulier pour voir qu'une relation est passée au niveau de l'esprit. C'est sûr qu'une personne qui vit sa relation au niveau de l'âme, elle est possessive. Elle vit de l'appartenance. Elle possède l'autre. Elle veut absolument que l'autre fasse partie de son territoire. Donc, il y a une recherche de, à cause de la peur de perdre, il y a une recherche de contrôle sur la façon de penser de l'autre. L'utilisation de son temps, l'utilisation de ses ressources financières, matérielles, sociales. Les aides qui se possèdent au niveau de l'âme sont extrêmement contrôlantes mutuellement et c'est un pacte qu'ils font entre eux. C'est un pacte qui est fait dans d'autres vies, non, mais qui dans cette vie-ci apparaît comme étant un contrôle très subtil et très présent et très permanent surtout. Ces gens-là peuvent rester très longtemps ensemble, mais fondamentalement, les deux êtres veulent se libérer de ce sentiment de possession. Vous pouvez mourir à 85 ans, jaloux, comme à l'âge de 17 ans. Oui. Mais cette sensation de possession, de contrôle, c'est un dégagement qui doit se faire en étant beaucoup plus... apte à la communication. C'est la communication qui détruit le territoire. C'est une personne qui ne parle pas dans un couple, c'est qu'elle garde le territoire. Le suprême contrôle sur un autre, c'est l'absence d'information. Quand vous coupez l'information à quelqu'un, quand vous coupez l'appréciation à ce que l'autre fait, quand vous n'êtes pas capable de le supporter verbalement à ce qu'il crée, vous le contrôlez. C'est l'ultime contrôle. Il n'y a pas plus contrôlant que ça. C'est l'information. Fait que les êtres qui ne veulent plus contrôler un autre, l'informent continuellement de leurs faits et gestes, de leurs pensées, de leurs états, de leurs humeurs. Et ils n'ont pas d'attente d'être appréciés là-dedans. Ils ont simplement besoin de... Ils sont simplement des accompagnateurs. Fait que, qu'ils soient ensemble ou pas ensemble, ça change plus rien. Parce que le couple, pour moi, personnellement, c'est strictement une sorte de convention sociale en attendant d'être capable de vivre une alliance qui suppose une identité où t'es aussi bien seul qu'à deux. Est-ce que t'évolues plus quand t'es en couple? que par rapport à être seul? Ça dépend comment tu vis ta solitude, puis ça dépend comment tu vis ton couple. L'évolution, c'est l'élimination de l'insécurité. C'est l'élimination de la peur. Si vous êtes seul puis que vous éliminez vos peurs et que vous êtes seul et vous rencontrez beaucoup de gens, que vous avez beaucoup de communication avec beaucoup de gens, vous avez des relations amicales très profondes, des gens qui vous supportent dans votre développement ou votre évolution, vous allez plus loin que le couple. Si vous êtes en couple puis que vous avez peur d'être seul puis que vous restez avec l'autre puis vous commencez à cristalliser votre développement parce que vous voulez absolument garder le contrôle, puis vous avez une peur phobique que la personne évolue plus avec d'autres qu'avec vous. Mais parlez-moi pas d'évolution. Parlez-moi de cristallisation de la relation, mais il n'y a pas d'évolution là-dedans. C'est plutôt une possession. Ben, c'est ça, exactement. Si une personne est possédée dans un couple, il n'y a pas d'évolution possible. Ben, en tout cas, il y a une évolution dans cette possession-là, mais c'est... Faut qu'il dépasse la possession. Faut qu'il dépasse la peur. Ça n'est une évolution. Ce qu'on élimine dans la vie, c'est les peurs. Ce qui nous possède, c'est ce qui nous crée une peur. Mais c'est la peur qu'il faut se défaire. Les êtres qui ont un problème d'évolution, ils ont un problème de peur. C'est pas compliqué d'évoluer, c'est de faire face à nos peurs. Si une personne est en couple, elle a peur d'être seule, elle a besoin d'être seule. Si une personne est seule et elle a peur d'être en couple, ben elle a besoin du couple. Il n'y a pas quelque chose qui évolue plus vite que l'autre. Parce que l'évolution, c'est pas un concours avec d'autres, c'est un concours, si on peut dire, entre soi-même et puis nos pensées. Est-ce qu'il y a des étapes dans le couple? Tu sais, comme au début, tu as la rencontre, l'attraction physique. Ça veut dire les connaître. Oui. Oui. Si vous n'avez pas connu la passion, pour en avoir là, vraiment là, un goût d'en crever, vous n'avez pas commencé encore à vivre en couple. Parce que la passion, ça mène à la création d'un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, il faut que vous ayez une passion équivalente à un accouchement. Puis l'homme a une capacité de prendre en charge, parce que lui, il accouche pas, mais il faut qu'il prenne en charge. Les hommes qui prennent pas en charge, puis les femmes qui sont pas capables d'aller au fond de leur amour d'âme, donc l'enfantement d'eux-mêmes, s'ils ont pas d'enfant, puis l'enfantement s'ils ont un enfant, la rencontre est perpétuelle. Ce ne sont que des gens qui ne font que rencontrer. C'est des gens qui n'ont aucune profondeur pour leur évolution personnelle, puis encore moins qui sont capables d'apporter à l'autre. Ils vont juste donner des superficialités, des lectures qu'ils ont faites, des philosophies, mais ils sont jamais capables de passer une vibration à l'autre. Ils vont toujours comme être un livre qui va être à écrire. Il n'y a pas une lettre décrite encore sur les pages. Merci. Fait que les étapes, oui, il y en a, effectivement. Il faut connaître une passion où on pense qu'on va en crever. Puis quand je dis la peur de la mort, là, c'est une peur de mourir si l'autre n'est pas là ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été fait avec l'autre. Ça, si on connaît ça, il y a d'autres choses après qui viennent. Mais ça, c'est la première étape. Sinon, parlez-moi pas de couple, c'est des fréquentations. Les gens se fréquentent, ils baisent, ils se fréquentent, ils baisent, ils se fréquentent, ils baisent, puis ils font ça pendant 30 ans. Ça, c'est des adolescents, ça. Ça, c'est pas des couples. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est quelqu'un qui supporte l'autre. Beau temps, mauvais temps. Dans n'importe quelle situation, y compris pousser sa chaise roulante si l'autre tombe infirme. Ça, parlez-moi de ça, ça c'est un couple. Comme moi, il y a des personnes que je me sens engagée, que s'il arriverait quoi que ce soit, je suis là. Attendez le test, attendez le test. Tout le monde pense qu'ils vont gagner le gros lot au cours de leur vie. Attendez le test. Ça, du monde qui ont des promesses grosses comme le bras quand ça va bien, là, ça, pas de problème. Faut se vendre quelque chose quand on se rend compte. Mais ça, là, tu lui demandes, bon, tu me prêterais-tu 1 000 $? Oups. Non. Tu viendrais-tu voir mon père? Non. Tu viendrais-tu ici? Viendrais-tu? Vous êtes pas malade encore, là. Ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est facile de dire si elle est vie à la mort. Facile. C'est quand le test arrive. Quand c'est vrai, là. Dans ce temps-là, on voit la profondeur du couple. Voilà. Il y en a bien gros des couples aujourd'hui qui sont à l'hydroponique, là, qui n'ont pas de terre, pas de racines. OK. Des fois, c'est un temps que tu as ça à vivre, mais c'est sûr que si tu veux construire, c'est pas dans une relation comme ça que tu vas pouvoir construire. Ouais, tu vas avoir des amis, puis tu vas construire plus que dans ton couple. C'est ce que je disais tantôt. Si tu as des amis, des fois, tu peux avoir plus de construction que des fois dans le couple. C'est pas évident. Qu'est-ce qui est pas évident? C'est pas évident parce que chacun cherche une recette spéciale. Puis le syndrome aussi que j'ai remarqué, c'est que plusieurs cherchent la perle rare. La perle rare, c'est comme dans le texte de Saint-Exupéry, c'est le temps que tu mets à ta rose qui fait que ta rose est belle. Les gens aujourd'hui, c'est des consommateurs, des takers. n'y a personne qui est giver. Savez-vous ce que ça veut dire, giver? La traduction de ça, ça veut dire t'oublier un peu pour que l'autre se développe avec toi. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils aident un autre à se développer, ils ont l'impression qu'ils se font abattre dans leurs ressources, ils peuvent plus dominer. Ils sont obligés d'être le tapis de l'autre, être au service de l'autre. Puis moi, je peux vous dire, pour avoir été consultant puis avoir fait le tapis pour bien du monde, je peux vous dire qu'on apprend autant sur soi-même à aider l'autre que à vouloir se faire aider pour pouvoir se grandir. Parce que quelqu'un qui se fait grandir par les autres, il connaît pas les mécanismes de son ascension. Tandis que quand vous aidez quelqu'un à grandir, vous voyez, parce que vous êtes obligé d'être à l'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup, vous êtes obligé d'être très, très présent à chaque étape, son rythme, ce qu'il contient, ce qu'il va échapper, pas le forcer à être plus loin qu'il est capable de le prendre. Ça demande réellement d'engendrer chez l'autre un état de conscience de vous, mais aussi un état de conscience de sa personne et une obligation de sa part de vous indiquer où ce qui est rendu. Ça demande un travail énorme de synchronisation, de filtrage, puis de nettoyage, de bugs. Des fois, les gens vont être ensemble, puis ils s'entendent bien sur les idées, mais s'entendent mal sur le ton qui se parle. Tu parles de ton, de thème de voix. Dans vibration, on dirait que le thème, là, c'est comme bien important. Fait que c'est sûr que le couple, ça peut être autant chez l'homme que la femme. Ouais, c'est tout chez l'homme et la femme. Ça dépend de la femme. Une femme hystérique, le gars va lui demander effectivement de changer de ton. Mm-hmm. Un homme qui parle trop fort pour une femme qui est très, très sensible au ton. Par contre, faut pas oublier qu'il y a des femmes qui aiment ça qu'un homme parle fort. Parce qu'il y a des femmes à voix, là, tu sais, qu'eux autres, c'est comment le gars va parler. Puis quand le gars il a une grosse voix virile, il aime ça, ça les sécurise. Daniel, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé. Souvent, les hommes vont dire, comment ça se fait? Ma femme, quand elle me parle fort, je suis plus capable d'y parler, elle est névrotique. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est névrotique? C'est parce qu'une femme a besoin de vider son sac, émotionnellement parlant. Elle n'a pas besoin d'être comprise dans ce qu'elle a dit. Elle a simplement besoin d'être absorbée dans son état. Quand vous faites l'amour, là, vous ne pensez pas à comment vous le faites. L'homme, oui, il faut dire. Mais la femme, non. Elle se laisse aller. De toute façon, c'est dans le fameux laisser-aller que les deux en arrivent à trouver le point G, comme ils disent souvent. Puis, dans une conversation, c'est le même principe. C'est que si la femme parle, faut pas qu'elle essaie de donner une logique à ce qu'elle exprime. Faut simplement qu'elle soit capable de convenir avec son état. Il y a des gens qui se parlent d'une certaine façon, puis c'est leur sexualité qui s'exprime dans un état verbal. Et puis, ils ont leur façon d'être. Puis, faut que tu sois capable de composer avec ça. Fait que la fameuse chimie des gens, c'est aussi dans l'affaire du ton, dans l'affaire de comment qu'on est réceptif à l'autre, dans ses humeurs, dans ses états. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand on contient quelqu'un, on la critique pas. Vous allez dire, c'est quoi deux personnes qui vivent bien ensemble? C'est deux personnes qui se contiennent. Tu sais, c'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime. Ouais, mais rentre dans le quotidien. C'est dans le quotidien que tu vas savoir si tu contiens l'autre. J'ai vu une femme qui a demandé à son chum de parler plus. Il contenait pas ça, monsieur. Le couple a sauté au bout d'un an. Il y avait juste une chose à faire. Tout le reste était parfait. Elle a demandé, je voudrais que tu parles plus. Achète-toi un cellulaire que je puisse te parler un peu plus. Puis ça a été un effort pour monsieur. Ça a sauté le couple. L'homme n'était pas à l'écoute de ses besoins. Non, l'homme était à l'écoute, mais il n'était pas capable. C'était ses limites. Et voilà, il avait touché à ses limites, le couple était fini. Ça ne veut pas dire que l'expérience n'était pas bonne. Il avait juste à retrouver une femme qui ne demandait pas ça. Ce que l'autre, elle, la demandait, ben lui, il pouvait pas. Il fallait qu'elle la trouve ailleurs, parce que lui, il pouvait pas le donner. C'était fini. L'autre personne ne peut pas tout te donner. Tout le monde n'est pas capable de tout te donner. C'est ce que je vais te le dire bien simplement. C'est que tout le monde, il faut qu'il se donne ce qu'il a besoin. Éventuellement, tu n'as plus rien demandé à personne. Éventuellement, tu es autosuffisant. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre avec personne. Ça veut dire qu'il y a suffisamment d'autosuffisance pour ne pas avoir d'attente par rapport aux autres. Quand tu as des attentes face aux autres, c'est parce que toi-même, tu n'as pas géré quelque chose à ta vie. Si j'arrive à quelqu'un, j'ai des attentes. Tu veux-tu être là à telle heure, puis tu peux-tu me garantir la fidélité, ça. C'est parce que toi, tu n'as pas réglé des affaires personnelles. Tu n'es pas supposé être dans la recherche d'un contrôle sur l'autre, d'aucune façon. Ça doit être le gros bon sens qu'un et l'autre ne se fassent pas souffrir. Vous n'êtes pas supposé être dans une relation pour souffrir. Vous êtes supposé être dans une relation pour vous développer. S'il y a souffrance, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'intelligence pour communiquer, pour éviter de souffrir. Fait que là, vous souffrez parce que vous avez des prises de conscience à fond. Parce que normalement, une personne qui est dans une relation avec l'autre ne fait pas souffrir l'autre. Il peut y avoir conscience d'une souffrance potentielle, mais les deux individus vont assez rapidement trouver une solution pour éliminer cette souffrance-là dans l'intimité. elle, qu'est-ce qui fait que tu sais si elle est capable de dépasser la programmation ou non? C'est sa capacité de faire face à ses peurs de perdre. Une personne qui est en couple ou qui est en développement pour arriver à vivre un couple, parce que des gens, des fois, ne sont pas mariés, ne sont pas engagés, ils sont simplement, moi j'appelle ça en mode fréquentation, ils évaluent les avantages qu'ils ont à être à deux et les désavantages que ça peut occasionner de se retrouver seul. Souvent, les gens qui ont vécu une longue phase de solitude, qui ont manqué beaucoup d'enveloppes, qui ont manqué beaucoup de rapprochement au niveau de la communication, même si la communication n'est pas parfaite, vont vivre une certaine dépendance aux imperfections de l'autre. Et souvent, on voit surtout la femme en particulier qui a souvent besoin d'enveloppes à cause de la densité de l'homme, surtout si l'homme est très colérique ou très intense dans son travail, qu'il est très actif, soit par le biais du sport ou par le biais d'une forme quelconque de capacité de se structurer. Ben, cet individu-là est sécurisant pour une femme qui est justement vulnérable parce qu'elle manque d'enveloppe, qu'elle manque de sexualité ou qu'elle manque d'intimité, qu'elle manque de communication. Donc, ça fait beaucoup de manque. Et elle va tolérer l'intolérable. Une autre personne qui n'a pas besoin d'enveloppe ou qui en a parce qu'elle a un mariage qui est plus avancé, plus équilibré, plus évolué, va regarder sa sœur, son frère, va regarder une amie proche, va regarder la personne qui semble victime d'une agression verbale, d'une agression des fois même presque physique, va se dire « Oh, hey, moi là, ça passerait pas. » Bon, ça passerait pas pour toi, mais possiblement qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu tolérais l'équivalent. Et aujourd'hui, ben, tu le tolères plus parce que ton étape est finie. C'est une autre phase, t'es rendu à un autre niveau. Fait qu'on est souvent au regard d'une personne qui subit quelque chose que nous-mêmes, on a déjà subi dans le passé à cause d'une dépendance qu'on a réussi à traverser, d'une peur qu'on a réussi à éliminer. Et puis, on se dit, ben moi, j'aimerais ça pouvoir intervenir pour lui faire comprendre, en lui donnant l'exemple, qu'est-ce qui doit se passer. Mais le problème, c'est que si vous intervenez, vous, personnellement, dans une relation qui, entre guillemets, n'est pas de vos affaires parce que vous n'avez pas de karma avec l'autre personne sur laquelle vous allez donner le coup, comme on dit, c'est que ça va simplement retarder l'échéance parce que l'ami, la sœur, le frère, la personne que vous aimez, votre mère, votre père, peu importe là, qui ce que c'est, va avoir quand même à devoir faire face à sa crainte, à sa peur. C'est pas parce que vous avez été capable d'intervenir que ça veut dire qu'elle est capable de faire face à la musique. Elle va peut-être avoir un modèle, oui, c'est possible, mais ça reste quand même que c'est son propre combat, c'est pas le vôtre, et que vous vous mêlez dans un sens de ce qui doit être fait pour temporairement lui donner un arrêt, un temps de pause, mais il a son travail à faire. La personne a son travail à faire elle-même. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'on brûlerait des attentes que l'autre pourrait changer? Ben, l'autre change, mais il change pas dans le temps de votre ego. Souvent, le changement se fait pas chez l'autre parce que vous-même, vous n'avez pas réglé quelque chose de vos propres insécurités, de vos propres craintes, qui va obliger l'autre à changer. Moi, j'ai souvent vu des gens attendre que l'autre change, et puis le changement venait jamais, mais eux autres ne regardaient pas ce qu'ils avaient à changer. Puis souvent, on dit que c'est une règle, vous connaissez un jeu, le domino, bon, ben, les gens mettent des pièces selon la pièce que l'autre vient de mettre, ou quoi que ce soit, ben, le couple, c'est un peu comme un jeu de domino. Et puis, il faut faire vous-même une action, il faut vous-même que vous posiez un geste pour vous défaire de vos propres craintes, pour que l'autre se défasse de sa propre crainte. C'est pas parce que vous vous défaites d'une crainte que l'autre va se défaire d'une crainte. Mais vous, en vous défaisant d'une crainte, d'une peur que vous avez, disons exemple, si vous vivez de la dépendance affective, si vous réglez le problème de dépendance affective, ça empêche l'autre d'abuser, l'autre n'étant plus capable de créer une forme quelconque d'abus, ben, il est obligé de changer de mentalité, il est obligé de changer de comportement, et s'il n'est pas capable, ben, il est obligé de se retrouver une autre personne qui vit de la dépendance affective, donc il est obligé de se séparer de vous parce que il ne peut plus faire face à son insécurité personnelle qui peut-être l'emmène à dominer ou à vouloir contrôler de quelque façon que ce soit, et puis de pas faire face à son propre jeu qu'il fait vis-à-vis lui-même, parce que ça a des répercussions dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale. Mais tout ça, de toute façon, c'est que vous, en changeant, vous obligez quelqu'un à changer. Puis si l'autre change pas, c'est parce que vous, vous ne changez pas. Donc, c'est sûr que les attentes qu'on a quand on rentre dans une relation sont basées sur la complémentarité, sont basées sur le fait que l'autre dispose d'un talent, d'une capacité, d'un outil ou d'une façon d'être qui comble vos besoins. Mais ce besoin-là, si il est basé sur une crainte ou sur une insécurité, ça va donner un pouvoir à l'autre qui va inévitablement vouloir abuser. Cette personne-là va devoir vous abuser. C'est pas qu'elle veut vous abuser. Elle va devoir vous abuser pour que vous preniez une sorte de trop-plein face à l'exagération et que vous ayez une réaction qui devienne comme limitative vis-à-vis de son comportement pour qu'il se régularise, pour qu'il sorte de sa polarité, qu'il sorte de son excès et en arrive à avoir une relation plus équilibrée, plus neutre vis-à-vis vous, parce que vous me parliez dans l'autre bout d'interview, l'autre fichier d'avant, que c'était nécessaire d'être en harmonie ou qu'il fallait viser une forme d'harmonie. Je suis totalement d'accord que de vivre à deux, vivre en famille, vivre en groupe, vivre en équipe, ça demande une harmonisation. Mais cette harmonisation-là exige un ordre, exige un équilibre dans les comportements humains. Et les individus qui sont dans des rapports intimes sont plus testés que les gens qui ont des rapports à caractère amicaux parce que l'ami a l'avantage de ne pas vivre de quotidien. Et l'avantage se perçoit par le fait qu'il n'est pas obligé à long terme à vous. Tandis que quand les gens rentrent en relation de couple, pour être vraiment engagés, il faut qu'ils s'engagent avec aucune limite sur le contrat. C'est-à-dire, comme les gens disaient, à la vie à la mort. Mais tant et aussi longtemps qu'on est capable de mettre une limite au contrat, ben on rentre dans une relation de compagnon. On est dans une relation ami-ami. Même si vous dites que vous vivez de la sexualité, puis vous vivez un couple, puis que les gens vous identifient comme un couple, à cause de la restriction que vous mettez dans l'engagement, c'est plus une relation amicale, donc de compagnon-compagne. Mais ça sous-tend une insécurité, ça sous-tend une sorte de doute que l'autre puisse être généreux ou conserver une générosité ou devenir généreux vis-à-vis de votre personne. Ça ne veut pas dire s'abandonner à vous, parce que la personne ne doit pas se perdre de vue, mais il y a un doute. Et ce doute-là, c'est une insécurité. Fait que quand vous vivez un doute, ben ça appelle un doute chez l'autre. C'est ça le karma, justement. C'est le fait que deux individus se rencontrent et que sur la base du doute, ils essaient mutuellement de se donner la réplique pour faire éclater ce doute, pour que, une fois pour toutes, la relation puisse apparaître. Les gens vont dire, ben c'est important de dépendre de l'autre. C'est vrai que pour vivre de la survie et engager notre survie aveuglément avec l'autre, il faut avoir une dépendance extrême de l'autre. C'est réel. Mais c'est pas obligé de l'entretenir et de la créer. Elle est déjà là de toute façon quand vous vous rencontrez. Les événements vous placent dans une relation avec une personne parce qu'il y a survie. C'est la survie qui crée le couple. Moi, je dis tout le temps, ça se passe comme ça commence. Pour qu'il y ait couple, faut qu'il y ait vulnérabilité des deux parties. Il faut que dans cette vulnérabilité-là, les deux individus soient capables de se respecter substantiellement pour donner confiance à l'autre pour s'engager à régler un problème de survie. Mais c'est sûr que quand la survie commence à se régler, le caractère des fois adolescent des deux parties commence à apparaître. Adolescent dans le sens manque d'expérience quand le pouvoir apparaît. Parce que souvent, quand on est dans survie, on a une certaine maturité, même si on est jeune d'âme, on a une certaine maturité parce qu'il faut passer à travers une épreuve. Mais quand l'épreuve commence à disparaître, les gens oublient la souffrance et commencent à devenir arrogants, commencent à devenir dominateurs, à chercher à avoir le contrôle sur la construction que les deux ont fait ensemble, mais un contrôle également sur tout ce qu'ils connaissent de vulnérable chez l'autre. Le plus drôle, c'est que on essaie de se protéger dans un temps, puis à un certain moment donné, on essaie d'utiliser les faiblesses de l'autre pour le dominer. La femme a sa façon de voir les faiblesses du gars, puis l'homme, la même chose vis-à-vis de la femme, mais ça devient un jeu qui devient très, très malsain au bout de certaines années. Daniel, tu parles de survie. Quand on parle de survie, ça peut être matériel, comme ça peut être affectif. Si, par exemple, pour un homme, c'est matériel parce qu'il vient de perdre sa job, ça veut dire qu'il rencontrerait une femme parce qu'il est à quelque part en survie? Tous les gens seuls qui se rencontrent pour rentrer dans une relation de couple ont des problèmes différents et équivalents. Il n'y en a pas un qui aide plus l'autre dans l'échange. C'est une relation qui se crée où la comptabilité est déjà faite par les plans, par les forces subtiles, si vous aimez mieux. La vie, tiens, on va mettre ça, la vie, c'est plus simple pour tout le monde. Fait que la vie fait se rencontrer deux individus qui ont des problèmes différents et aussi aigus un par rapport à l'autre et qui sont mutuellement complémentaires, donc ils sont réellement capables ensemble de régler le problème. C'est la fameuse chimie d'ailleurs que les gens cherchent tant, là. C'est dans la survie qu'elle apparaît. Des fois, on voit une femme avec un homme et on dit « qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? » Ça fit pas. Ça fit pas peut-être au niveau des apparences, mais dans l'expérience qu'ils sont en train de vivre, ça fit parfaitement. C'est un ajustement qui peut pas être mieux orchestré que ça. Mm-hmm. C'est sûr qu'au bout de 5 ans, 10 ans, quand ils vont régler le problème ensemble, ils auront peut-être plus besoin d'être ensemble, puis c'est là que ça va, il va apparaître d'autres genres de survie, parce que les survies, ça a bien des facettes, ça, là. C'est pas juste financier, c'est pas juste émotionnel, c'est pas toujours des problèmes d'identité. Mais il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre quand les deux règlent la survie, parce que c'est ce qui vous manque qui est le plus important, c'est pas ce que vous apportez. Mm-hmm. Fait que la dimension de l'échange, comme les gens ont tendance souvent à essayer de voir où est-ce qu'ils peuvent la créer, c'est pas toujours la même chose. Dans un temps X de votre vie, ça va être la sexualité. Dans un autre temps de votre vie, ça va être la communication. Dans un autre temps de votre vie, ça va être quelque chose qui touche la santé. Fait que ça varie. Tu rencontres quelqu'un, puis qu'est-ce qui va faire que tu vas passer d'amis à engagement, là? Qu'est-ce qui fait que tu es assez engagé ou tu le connais assez pour te dévoiler ou que tu passes d'amis à engagé? Premièrement, un couple, ça se forge pas sur l'ego. Toutes les couples qui se forgent sur une évaluation égoïque ne peuvent pas être en couple. C'est une impossibilité. Qu'est-ce que tu veux dire par une évaluation égoïque? Vous pouvez pas dire, bon, ben aujourd'hui, j'ai décidé que tu es mon homme. Ça, c'est l'évaluation. Alors, comment ça se passe? Ça se passe dans un événement. Il y a un événement dans votre vie qui fait que vous avez un besoin criant de quelque chose qui se passe, et puis ça donne que c'est une femme ou c'est un homme. D'ailleurs, toutes les gens qui choisissent quelqu'un se trompent. C'est automatique. Mm-hmm. C'est pas, vous choisissez pas quelqu'un. Vous reconnaissez quelqu'un. Okay. Important, cette question-là. Les gens pensent que c'est eux autres qui choisissent le couple. C'est impossible de choisir le couple. C'est trop complexe, une relation, pour que ça soit choisi par un égo humain. Mais qu'est-ce qui fait que tu dis que tu es en couple? Un couple, là, c'est la première journée que vous voyez, vous le savez. C'est pas une affaire qu'au bout de 5 ans, on dit, ah, non, ça, c'est lui. Quand c'est comme ça, là, c'est parce que l'autre, c'est une patch. Il y a quelque chose que vous vouliez, vous avez pas eu, puis là, ben, vous dites, bon, qu'est-ce qui reste, là, qu'est-ce qui reste, les tablettes, puis je vais prendre ça. Ceux qui vont écouter ça, puis qui vivent ça, ils vont trouver ça choquant. Bon, ben, c'est à ce moment-là, c'est parce que c'est des couples qui sont basés strictement sur des insécurités individuelles, là, c'est-à-dire que la personne est réellement pas capable de vivre toute seule. Elle prend quelqu'un, là, parce que là, c'est trop aigu, sa souffrance, et puis... Ce que la vie va vous présenter en général, si vous le refusez, parce que c'est au niveau de l'ego que vous ne convenez pas avec, vous allez le rechercher toute votre vie. Peut-être pas la personne comme telle, mais ce que cette personne-là était capable de vous apporter, là, vous allez le rechercher. Vous avez toujours eu dans votre vie le couple parfait, que votre ego peut-être a dit « Non, ça, c'est pas comme ça, je veux vivre ma vie. » Puis là, vous allez vous ramasser 20 ans plus tard, vous allez dire « Oh, je pense que j'ai manqué le bateau. Il y a quelque chose que ce gars-là ou cette femme-là m'apportait, que c'était peut-être pas le cheikh d'Arabie, là, mais c'était le bon gars. » Fait que pour les gens, disons, qui cherchent l'espèce de notion de perfection dans une relation, pensez jamais que votre couple, c'est votre ego qui va décider ça. Le mieux que vous pouvez faire, là, ça, c'est ce qui reste à votre ego, c'est un consentement. Vous allez avoir un consentement. Vous allez accepter dans l'événement que l'autre partage votre destinée. Ça, c'est un consentement. Dans une relation, il faut qu'il y ait consentement mutuel. Vous ne pouvez pas rentrer dans une relation s'il n'y a pas consentement mutuel. On va dire qu'encore aujourd'hui, les femmes, c'est eux autres qui ont le plus le pif pour savoir c'est quoi leur homme. Quand vous avez une perception vibratoire sur une personne, attention, c'est pas la forme que vous regardez, c'est ce que la personne apporte dans votre vie. Et assurez-vous que la personne qui est capable de vous l'apporter soit capable de vous l'apporter le plus simplement possible. Si une personne, exemple, a besoin de sexe, puis elle tombe en amour avec son massothérapeute qui, à un moment donné, va un petit peu plus loin que le massage, ça oblige pas de vivre avec son massothérapeute. Un massothérapeute, ça reste un massothérapeute. Il y a des gens que pour le sexe, ils veulent vivre avec la personne. Bon, OK, vis, mais assure-toi quand même que la relation, ça va être sur cette base-là. Un bon nombre d'années, puis une grande partie. Fait que la situation est que les gens doivent reconnaître quand ils disent, bon, ben là, moi, cette personne-là, ça fit, savent pourquoi ça fit. C'est qu'est-ce qui fit. Les gens, des fois, ça ne vous plaît pas physiquement, mais vous en avez un besoin viscéral dans une relation parce que c'est un substitut familial, c'est un substitut à un frère que vous avez perdu. Mais ça, vous pouvez garder ça dans une relation amicale, puis c'est suffisant, là. On n'est pas obligé de se marier pour ça. Les gens aujourd'hui ont des gros, gros problèmes de lecture. Surtout que les relations apparaissent apparemment faciles. Mais il y a tellement de solitude que c'est pas si facile que ça. Puis plus vous avez d'expérience, c'est-à-dire plus vous avez comblé des besoins ailleurs, moins il reste de besoins à combler, plus ça devient difficile de combler ces fameux besoins-là. Fait que ça devient de plus en plus difficile de s'engager à long terme. Parce que là où une personne aurait pu combler, mettons, 12 besoins, ben, il vous en reste juste 3 à combler, à moins d'ouvrage à faire. C'est pas qu'elle veut le faire, là, mais les événements présentent ça comme une relation qui devient plus écourtée, qui est plus facile à dissoudre sur le plan karmique, là, comme tel. Fait que ça oblige, en vieillissant, dans un sens, à établir des couples ou des relations sur la base de l'alliance, qui demande beaucoup, beaucoup d'esprit, une communication extrêmement vive, puis des gens qui ont une capacité de briser le quotidien pour toujours pas s'impressionner, mais s'électrifier, se dynamiser pour pouvoir entretenir et soutenir la relation. Mentionner aussi la peur de perdre. Justement, quand tu as retrouvé le couple, normalement, est-ce que les deux n'ont pas peur de perdre? Ben, dans le couple, il y a de la peur de perdre. C'est quand c'est à l'alliance. Quand le couple est rendu au stage de l'alliance, là, il n'y a plus de peur de perdre. Mais tant et aussi longtemps qu'on vit du couple, on vit de l'âme, puis on vit une forme quelconque de passion, ben là, à ce moment-là, il y a de la peur de perdre. C'est ça qui anime la relation. Je pense que c'est sain d'avoir une peur de perdre l'autre. Quand on vit du couple, parce que ça nous oblige à développer les anticorps qu'il faut pour protéger notre relation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'envie justement parce qu'ils ont peur de perdre. C'est la peur de perdre qui fait vouloir évoluer. OK. Fait que quand t'as pas peur de perdre, tu veux plus changer. C'est ça. Tu veux plus changer par rapport à l'autre. Tu vas changer pareil parce que la vie va toujours te ramasser à un autre niveau. Là. Et tu peux avoir pas peur de perdre une personne, mais avoir peur de perdre ta business. La vie va t'obliger à vivre une évolution par rapport à la peur de perdre ta business. Tout le monde est placé à un niveau quelconque avec une peur de perdre. Leur réputation, le crédit, l'amour, l'affection qu'une personne lui donne. C'est toutes des choses qui font qu'on a peur de perdre. Quand on n'a plus peur de perdre ça, ben là, en général, on est plus mobile. Puis on est capable d'aller vers d'autres événements, d'autres personnes qui vont engendrer d'autres événements. Parce que vous savez, la vie, c'est un continuum. Ça prend autant d'expansion qu'on n'a pas de censure. Les gens qui ont des grandes censures, ben prennent très peu d'expansion. Puis les gens qui ont un minimum de censure, eux prennent une grande expansion. C'est inévitable. Est-ce que si tu es une personne, là, comme on a parlé tantôt, une femme indépendante, tu as parlé que tu peux rencontrer des gens de pouvoir, mais ces gens-là de pouvoir, eux autres... Les gens de pouvoir sont impressionnés par eux-mêmes. Ah, OK. C'est ça qui fait qu'ils sont de pouvoir. Ah. C'est très facile d'identifier quelqu'un qui tripe sur le pouvoir. Il est toujours en train de se regarder dans le miroir. Ah oui? Il se sert des autres pour se regarder. Alors. C'est plus de l'égocentricité, c'est un égoïsme qui atteint des summums inouïs. Le pouvoir, c'est se regarder soi-même. C'est une réflexion sur soi-même, sur tous les avantages qu'on a par rapport aux autres, qu'on ne partage pas. Il y a très peu de partage chez les gens de pouvoir. Mais le pouvoir, est-ce que c'est Est-ce que ce serait une évolution progressive? Le pouvoir, c'est une réflexion de l'ego. Il n'y a aucune évolution dans le pouvoir. Alors, il va falloir s'entourer de gens qui sont évolués. Non, il ne sera pas capable, parce qu'un être évolué est au-dessus de lui. Il n'est pas capable de prendre ça. Tu peux pas travailler pour des gens comme ça. Tu peux pas travailler avec des gens en dessous de toi au niveau hiérarchique social qui sont plus évolués que toi, ça te dérange. Ah oui? Parce que ces gens-là voient ton jeu. Parce qu'oubliez pas, une personne qui a du pouvoir, qui est dans une réflexion extrême, c'est un être qui est possédé. Puis le niveau de possession n'a pas de limite. Fait que c'est un mouvement de l'âme qui est un peu comme l'effet d'un turbo sur un moteur d'auto. Là. C'est que plus on lui donne du gaz, plus il en prend. C'est pour ça qu'on voit des gens, des fois, qui ont beaucoup, beaucoup de richesses. On dit pourquoi qu'ils n'arrêtent pas? Ils en ont assez. Là. C'est parce que, justement, ils trippent sur le pouvoir. Ils n'aiment plus personne, eux autres. Là. C'est pas des gens qui aiment, c'est des gens qui utilisent. Le principal dilemme des gens dans un couple, c'est toujours de savoir comment ils vont partager le pouvoir décisionnel. Ça sous-entend la finance et ça sous-entend le prestige. La sexualité étant inévitablement partagée, là, à moins qu'il y ait amant et maîtresse. Là. Mais si on part du principe que la plus grosse tension d'un couple là, qui ne voyage pas sexuellement dans d'autres terrains, là, mettons, là, la principale tension, c'est le partage du pouvoir décisionnel financier. La seule chose qui est plus puissante que le sexe, c'est l'argent. Il n'y en a pas d'autre. Pourquoi? C'est parce que le sexe, ça ne se partage pas avec beaucoup de gens. C'est même si vous faites des efforts marathonniers, là, vous allez pouvoir peut-être avoir 300, 400 partenaires dans une année. Là. Tandis qu'avec l'argent, vous pouvez toucher des milliers de personnes dans une année. Ça a plus de pouvoir d'échange l'argent que le sexe. Puis il y a quelque chose de plus puissant encore que l'argent et le sexe, c'est la communication. Daniel, tu veux être en couple, là. C'est pas toi qui décides. Tu veux partager. Tu veux être accompagné de quelqu'un là pour faire des activités, là. Bon. Puis tu veux pas être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. OK? Alors, tu dis, t'attends l'événement. Alors, c'est quoi ça, attendre l'événement? Je comprends qu'un ego veut absolument avoir ça sous son contrôle. Je comprends. Je comprends. Mais ce qu'il faut comprendre, en dehors de ce que l'ego veut comprendre, c'est que dans tous vos besoins dans la vie, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables d'y répondre comme votre ego veut y répondre. C'est pas facile de rencontrer quelqu'un puis dire « Ah, toi, tu as besoin de moi. Puis moi, j'ai besoin de toi. » C'est pas comme ça. C'est pas aussi facile, c'est pas aussi limpide que ça. Mais dans le fond, en dedans de vous autres, quand vous rencontrez une personne qui a, entre guillemets, de l'allure, c'est comme ça que vous voudriez que ça se passe. Oui. Mais vous le faites pas. Non. Puis ce que vous faites pas, c'est ça qui fait que le couple se fait pas. Ah oui? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre grille d'analyse, votre checklist, il est rendu trop sophistiqué. Oh, blague. Vous avez trop de critères que vous avez goûtés dans les impressions de vos relations passées. Parce que à 15-16 ans, là, t'as pas un gros checklist. Tu sais, t'as tout à découvrir. Fait que tout peut t'impressionner. Le voisin de côté peut être ton mari. Mais c'est que rendu à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, vous n'avez pompé de l'impression. Vous avez eu beaucoup de gens qui ont essayé de vous impressionner. Il y a beaucoup d'anticorps qui se sont développés au niveau de l'émotion, puis qui vous ont, parce que vous avez souffert des émotions, vous avez souffert de vous engager parce que ça demande un effort à un certain niveau. Tu sais, il faut mettre du cœur dans l'échange. Puis il faut mettre du cœur quand l'échange se rompt ou se coupe ou il y a de la déception. Fait que vous développez des anticorps à l'amour dans le sens affectif du terme, là, dans le sens pas du respect, mais dans le sens des grandes émotions passionnées. Là. Là, à un moment donné, vous avez une bonne croûte que l'autre doit traverser pour arriver à atteindre un centre moteur. Puis vous voulez pas qu'il touche votre centre décisionnel parce que vous savez ce que c'est, la domination. Il y a rien de pire qu'une femme qui a connu au cours de sa vie, deux, trois dominateurs. Le quatrième, elle l'attend avec un marteau, je te jure. Fait que l'évolution d'un être, c'est une évolution qui mène toujours à l'individualité et toujours à l'identité. Fait qu'attendez-vous pas à avoir une femme qui a de l'identité ou un homme qui a de l'identité puis qui va être un chien de poche, qui va être un serviteur. Les êtres qui sont fort, c'est des êtres autoritaires. Pas nécessairement dominateurs, mais autoritaires. Mais ça, c'est correct, autoritaire. Mais ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un, par exemple, pour être vrai, là, mettons que le gars ou la fille, physiquement, tout t'intéresse, là, tu sais, ils font des sports, tout ça. Faudrait être capable de leur dire, par exemple, c'est quoi tes besoins? C'est quoi mes besoins? On fait-tu un petit bout ensemble? T'es tout seul, je suis tout seul. Mais il faut aussi qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent pas au départ. Parce que si c'est après 6 mois qu'ils disent, ben écoute, moi, je vais être ministre, ou ben non, moi, là, j'aime pas ça des femmes qui fument ou des hommes qui fument, mais là, t'as comme perdu 6 mois. Là. C'est dur pour l'ego. Hein? Quand on veut avoir le contrôle, c'est dur pour l'ego. Mais il y a peut-être une autre façon de regarder ça. Peut-être qu'il faut regarder ça en termes de on va se développer ensemble. Je vais vous le dire, moi, ce qu'il vous faut. Je vais vous dire qu'est-ce que les gens doivent être pour vous. C'est quelqu'un qui dit, bon, ben écoute, t'es là, là. T'es ce que t'es, là. Moi, je sais pas, j'ai quelque chose, je vis quelque chose par rapport à toi. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Mais moi, ça me donne le goût de t'accompagner dans ton expérience de vie. Tu sais, tu fumes, OK, moi, j'aime pas la cigarette, mais on va voir en cours de route si ça me dérange, puis on va voir si tu peux arrêter si ça te tente. Je vais t'accompagner. Ça veut dire, je n'ai pas d'attente que ça change. Je sais que de toute façon, si on est bien ensemble, il y a des changements qui vont se faire. Ça, c'est du couple. Ah, là, c'est un petit peu plus en détail. Je comprends un peu plus. Vous rencontrez l'individu dans l'événement, puis ça colle. Puis là, vous vous éduquez mutuellement sans avoir d'attente d'un changement ou d'un résultat quelconque. Ça, c'est du couple. Le reste, c'est tout du contrôle d'ego. C'est bon, je veux que tu sois ça, okay. Que tu t'habilles de même. Qu'est-ce qu'elle va avoir de l'air en société? Ou qu'est-ce qu'il va avoir de l'air en société? C'est, okay. Vous trouvez des poupounes puis des machos qui vont donner un bel effet à la galerie, à la famille, à votre milieu de travail. C'est du trophée que vous cherchez. Les gens se traitent comme des trophées. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils sont pas respectés. C'est évident que quand à un moment donné, le trophée, c'est plus un trophée, que ça devient lourd ou que vous changez de sport puis que le trophée que vous avez eu là, il y a plus de valeur dans l'autre secteur dans lequel vous êtes, ben là, ça devient décevant, je comprends. Mais vous pouvez pas être avec quelqu'un parce que c'est un trophée, c'est ridicule. C'est, d'ailleurs, il n'y a pas de couple là-dedans. Alors, Daniel, une question. Qu'est-ce qui fait que si tu choisis un certain mode de vie, ça veut dire aussi que c'est un contrôle d'ego? Quand vous exigez d'être en contact avec une personne pour de la finance, exemple, strictement pour de la finance, c'est plus de la business que vous faites que du couple. Je parle pas juste la finance, OK? Ça l'aide beaucoup, Marc, là. Ben, je vous donne un exemple, là. Quand c'est au niveau du contrôle de l'ego, là, parce qu'il n'y a pas grand-chose, ça peut être pour le sexe, ça peut être pour la finance, puis ça peut être pour le prestige. Des fois, c'est pour les trois ou deux des trois. Bon, mais quand vous êtes dans un trade, moi j'appelle ça un trade comme ça, c'est de la business que vous faites, là. C'est plus du couple. Mais il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Mais on peut-tu dire que ça part comme ça? C'est un besoin, fait que c'est comme un genre d'échange, c'est comme une business? Une business, c'est de la business, mais c'est pas du couple. C'est un trade. Les deux individus sont ensemble pour une transaction qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu sais, anciennement, il y avait des familles qui mariaient leur fille puis leur gars en fonction de la dot, puis en fonction de ce que ça avait comme conséquence pour l'environnement royal ou l'environnement humain. C'était pas un couple, c'était un trade. Trade, ça veut dire en français une transaction, une tractation. T'sais, c'est ça que c'était. C'est pas ça un couple. Un couple, c'est plus profond que ça. Il y a une dimension beaucoup plus subtile et karmique à ça. Mais c'est sûr que vous pouvez passer votre vie à faire des transactions. Puis il y a des femmes qui sont extraordinaires là-dedans, au même titre que des hommes, qui vont aller chercher des femmes qui ont un certain apparat, puis que ça fait faire des très bonnes transactions dans leurs affaires, parce que la femme, c'est une femme de force, de puissance, d'impact. C'est bon pour, au même titre que s'acheter une Porsche ou de s'acheter une Rolls-Royce ou de faire 40 voyages par 10 ans dans à travers le monde. Fait que ça, c'est comme une business. Ça, c'est de la business. Il y a beaucoup de gens riches qui ont des couples de business. OK, ça veut dire si tu rencontres des gens qui ont du pouvoir, parce que peut-être que toi-même, tu vas avoir du pouvoir... Ça veut dire qu'en quelque part, c'est une affaire de business. C'est ça. Dans la politique, ça se passe comme ça des fois, tu sais. C'est assez fréquent, même que c'est... Parce qu'il n'y a pas de morale à ça, là. C'est correct. Ah oui? Ben oui, c'est correct. Pourquoi ça serait pas correct? Ben non. Il y a des gens qui ont le tempérament à ça. C'est des gens qui ne vivent pas d'émotion ou de passion, un pour l'autre. Et puis, c'est ça. Ils jouent une game, là. Puis mm-hmm. cette game-là est bien jouée. Puis les gens embarquent là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient. Alors, une autre question. Maintenant, si la femme devient indépendante, là, l'homme, il fait quoi par rapport à ça, à part de l'impression que... Votre question, c'est qu'est-ce qu'un homme peut faire avec une femme qui ne vit pas d'impression par rapport à ce qu'il est lui, ou par rapport à ce qu'il a comme acquis, ou par rapport à ce qu'il fait avec elle? C'est ça, votre question. Oui. Mais c'est la même chose que... Une femme qui est avec un gars qui ne l'impressionne pas, c'est plus une affaire de femme puis d'homme. C'est une affaire de centre de gravité. C'est une affaire d'identité. Qu'est-ce qu'une personne qui a de l'identité, qui n'est pas impressionnable, fait sur la planète? Mm-hmm. On pourrait se poser cette question-là. Ouais. Hein? C'est simple. Là. Parce qu'on pourrait regarder autour de nous, dans la société, et tout semble être de l'impression. Bon, la question est à savoir, est-ce qu'on vit des couples pour aller vivre l'impression ou on vit un couple pour se développer un équilibre, un centre de gravité et une paix? C'est ça la question fondamentale. Vous prenez une femme qui n'est plus impressionnée, normalement, c'est là qu'elle devrait commencer à vivre. Vous prenez un homme qui n'est plus impressionné et c'est là qu'il commence à vivre. Mais vivre dans quel sens? Vivre dans le sens qu'il peut se créer un équilibre dans sa vie et... aller dans le monde de l'impression, chercher ce qu'il a besoin pour se véhiculer, pour se développer matériellement, pour se développer des relations humaines qui sont dépassées le stage de l'apparat et qui sont réelles, et se créer un environnement d'échange pour balancer ses vibrations en permanence jusqu'à sa mort. OK, ça veut dire c'est combler ses besoins pour afin de balancer tes vibrations. Oui, mais c'est plus des besoins d'expérience. C'est quand il y a plus d'impression que il n'y a plus d'expérience. Ah, OK. L'expérience, c'est pour vivre de l'impression. Fait qu'une personne qui a besoin de se gargariser de sensations, d'émotions fortes, de sport extrême, c'est une personne qui cherche à créer de l'impact sur son environnement et automatiquement, du même coup, à se créer de l'impact pour soi-même, pour se donner une sorte d'impression d'exister. Mais ça, ça a un terme. Il y a un moment donné, l'âme est fatiguée. Puis quand l'âme est fatiguée, fatiguée de tous les jeux d'impression, de les jeux d'apparence, parce qu'un jour ou l'autre, vous avez beau n'être pas trop intelligent, que si vous vivez beaucoup d'impression, vous allez le devenir intelligent, parce que là, vous allez dire, oh, ça déborde, il y a un excès, c'est dangereux pour ma santé, j'ai déjà été malade de ça, je risque d'exposer ma vie inutilement, etc., etc. Là, quand l'âme est fatiguée de toutes ces impressions-là, c'est là qu'elle n'est plus impressionnée ou qu'elle met un terme à ces impressions-là, puis c'est là qu'elle a la chance de commencer à vivre. Est-ce que c'est plus facile, là, de former un couple? Justement, tes besoins sont pas là. T'es pas impressionné par rapport à quelqu'un qui a beaucoup ou qui a pas beaucoup. Ce que tu veux, c'est vraiment, c'est plus en profondeur. Tu vas être plus porté à vouloir développer avec la personne. Bon, ce que vous allez aller chercher avec une personne, quand l'expérience est terminée, quand vous avez été au bout des impressions, ce que vous allez développer avec la personne, c'est un mode de vie. où votre mental va être neutre, va avoir la capacité de garder son équilibre ou d'être en équilibre. C'est l'impression qui polarise, c'est l'impression qui déséquilibre, et c'est l'impression qui épuise l'âme dans l'échange entre deux personnes. C'est dans l'impression que les gens en arrivent à se divorcer, à se séparer, parce qu'à un certain moment donné, ils sont au terme de l'impression et se demandent mutuellement de passer à un registre de développement de leur individualité et donc à ce moment-là de s'accompagner plutôt que de toujours se rentrer dedans, dans le sens physique du terme et dans le sens mental du terme. Parce qu'une impression, c'est une sorte de viol. Et plus vous avez de l'impression, bien plus vous êtes déséquilibré. Un être qui veut arriver à sentir un centre de gravité, à sentir une identité très forte, a besoin de la paix. La paix, ça devient son seul et unique point d'intérêt à un moment donné. Mais tant que vous n'êtes pas à la recherche de la paix, vous ne pourrez pas avoir des couples paisibles, vous allez avoir des couples perturbés, des couples qui sont constamment à la recherche d'un challenge. Vous allez faire de la business, comme on expliquait tout à l'heure, vous allez toujours essayer de créer des échanges avec les gens pour les marier à votre intimité, les lier à vous. Mais c'est des liaisons purement émotionnelles. Tandis qu'un individu qui veut la paix, il veut le monde libre autour de lui. Il veut pas avoir des gens qui dépendent de lui. Il veut pas que les gens soient attachés à sa programmation pour aucune façon. Il veut que ces êtres-là soient capables de se déplacer dans des échanges humains autres que les siens. Il veut que la personne soit capable de générer ses propres décisions sans toujours être là